Chapitre 5. La partie de pêche. Jérémie bâillait à s'en décrocher la mâchoire. Pourquoi fallait-il se lever aussitôt pour aller pêcher? Les truites ne dormaient-elles pas, elles aussi? Il suivait malgré tout son ami qui se faufilait le long des rives de l'Ariège, au travers de la forêt. L'aube pointait à peine et l'on y voyait goutte. Voyant sa grise mine, Frédéric, en souriant, lui dit « Cesse de ruminer ainsi, vieille branche, lorsque tu auras ce mets divin dans ton assiette. » Ouais, eh bien pour l'instant, il faudrait déjà en attraper. À ce que j'ai compris, c'est encore plus difficile que de traire une chèvre. « Ta mauvaise humeur te fait voir tout en noir. Tu es pourtant matinale d'habitude. » Matinale. Mais je suis matinale. Je me lève chaque jour à 6h30. Mais là, c'est du sadisme. Si l'on veut avoir quelques belles prises, il faut ce qu'il faut. Et puis arrête de râler, respire, on arrive. Après avoir longé le château des marquis d'Orgex, le lac artificiel et son barrage électrique se profilèrent. Et tu vas me dire qu'il y a du poisson là-dedans? Ah, certainement. Tu vas voir le nombre de pêcheurs qui vont s'y installer d'ici peu. Ah, le nombre de pêcheurs ne fait pas le nombre de poissons. Je crois que je ne t'éveillerai plus jamais aussitôt. Quel caractère! Fred prépara les lignes ainsi que les sièges et ils s'installèrent le plus confortablement possible. Un petit café tenu bien au chaud dans une thermos ragaillardit Jérémie et réussit à le mettre de meilleure humeur. Fred prit la première truite quelques heures plus tard et la montra à son ami. C'est dommage, ce n'est qu'une arc-en-ciel. Mais bon, ici, je doute que nous attrapions autre chose. Jérémie, pas peu fier, réussit presque aussitôt à en sortir une autre de plus belle taille. Enfin, ils remballaient leurs affaires lorsque Fred attrapa une fario. Regarde comme elle est belle. Tu vois la différence? Oh, tu sais, pour moi, un poisson ressemble à un autre poisson. Sacrilège! S'exclama Fred. Regarde, fit-il en prenant les deux espèces dans chacune de ses mains. Celle-ci, la fario, la sauvage, la meilleure. Le caviar, la Rolls des truites, a quelques petits points rouges orangés sur la peau. Son corps est également un peu plus profilé et sa chair, sa chair est fine, subtile. Jérémie l'écoutait bouche bée, puis souriant en goguenard. L'apologie de la truite dans toute sa splendeur, se moqua-t-il. Bon, et à présent, comment vas-tu la cuisiner? Ah, bah ça, c'est l'affaire de l'ancêtre. D'habitude, il les fait tout simplement griller à la poêle. Ben voyons, le must du poisson grillé dans une misérable poêle. J'ai compris, je m'en charge. Vous avez des champignons, de la crème, du riz sauvage? Ah non, rien de tout cela, bien sûr. Nous sommes des gens simples, mon ami. Ce n'est guère une raison pour ne pas exploiter pleinement la saveur si subtile de ce magnifique poisson, lui répliqua aussitôt Jérémie le Saint-Jean. Pourquoi ai-je d'un coup la vague impression que tu es en train de te foutre de moi? Mais pas du tout, loin de moi cette idée. Bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à ce mets délicat. Y a-t-il un endroit dans le village où je pourrais me procurer ces quelques provisions? À vrai dire, non. Mais nous pourrions aller à Foix après le déjeuner. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Ah, à ce propos est l'ancêtre. Il en prend quand du repos? Quand il sera mort, m'a-t-il dit un jour. Là, il aura le temps. Ils s'esclaffèrent et repartirent bras dessus, bras dessous vers la longère. Le père Anthelme vida les truites et prépara la table. Il partit aussitôt ensuite s'occuper des chèvres. Lorsqu'ils revinrent, peu après 13 heures, Jérémie prépara ses ingrédients, puis, fatigué, s'allongea derrière l'oustal et s'endormit aussitôt. Le froid le réveilla vers 17 heures. Il était temps de mettre en œuvre ses talents culinaires qui, chez lui, étaient innés. Combien de fois avait-il concocté quelques bons petits plats les week-ends pour sa femme? Bien sûr, ces dernières années. Il secoua la tête et se reprit. Les mauvais souvenirs étaient proscrits ici. Fred, sitôt rentré, était allé aider son vieux père, et ils cheminaient vers la demeure quand une délicieuse odeur vint leur chatouiller les narines. Jérémie servit aussitôt. Les truites, dressées sur un lit de riz et de girolles, nappées d'une onctueuse sauce, dégageaient un fumet si appétissant qu'aucun d'entre eux ne put dire une parole pendant la dégustation. Puis repu, Antelme se renversa sur sa chaise, se frotta la panse et dit « Fabuleux !»« Oui, j'avoue, renchérit Fred. » Jérémy sourit, satisfait d'avoir avec si peu contenté ses hôtes. Moustache, Follette et Noirot eurent beau quémander, les humains ne partagèrent guère cette fois-ci. Ils prirent ensuite le café sur la terrasse. Il faudrait pas que tu nous engraisses tous les jours comme ça, fit le vieil homme, malicieux. Ou nous ne pourrions bientôt plus nous passer de tes talents culinaires, tu seras obligé de rester avec nous. Ce n'est guère l'envie qui m'en manque. J'avoue y avoir songé. L'air et la vie ici me sembleraient bien convenir à ma petite princesse. Peut-être qu'ils finiraient par refermer leurs blessures. Ils restèrent un long moment silencieux, puis Jérémy reprit sur un tout autre sujet. Elles ont un nom, ces montagnes là-bas au loin? La Dent d'Orlu, répondit Tantelme. Et de ce côté, il y a quoi? La route se termine à la réserve, le parc national des Pyrénées. Au pied se trouve la maison des loups. Une réserve? Oui, ou un parc où sont protégées différentes espèces de loups. Heureusement qu'ils ne sont pas libres, cela fit Antelme mécontent. Déjà qu'ils nous ont ramené des ours. Comme tu l'auras compris, c'est un sujet sensible, dit Fred. Mais pourquoi? C'est quand même à l'origine leur habitat naturel, non? Il y a belle lurette que ça ne l'est plus. Nous avons fait en sorte ainsi il y a bien longtemps. Allez donc dire cela aux éleveurs de moutons. Avec les attaques d'ours, ils ont dû acheter des patous. Tu sais, ces grands chiens blancs, on les appelle également montagnes des Pyrénées. Cela leur fait des dépenses supplémentaires, sans compter que le gouvernement ne rembourse pas les bêtes entièrement, loin de là. Il y en a tant que ça? Suffisamment pour emmerder le monde, répliqua vertement le vieil homme. Le débat dura un bon moment, mais Anthelme ne voulut en démordre. Puis il décida de donner quelques jours de congé à son fils. Ce dernier sollicita son ami. Ça te dirait de visiter le château de Montségur? Enfin, ce qu'il en reste. Bien volontiers. Cependant, Anthelme, si vous avez besoin de Fred, je ne voudrais pas. Allez, ça vous fera du bien à tous les deux. Et ça me fera des vacances de ne pas vous avoir dans les pattes.